Maintenant, c'est toi tu connais le name. Nous sommes le chouchou des nanas. DJ Lesco. Ne dérange pas, je suis sous votre cap. Je suis râlé, je suis sous votre cap. Mon bébé, je suis sous votre cap. Et l'équipe est sous votre cap. Ne m'en veux pas, je suis bourré. M'en veux pas, je suis bourré. Ne m'en veux pas, je suis bourré. M'en veux pas, je suis bourré. Tous les potos sont d'accord. On veut que ce noyer Jack et Belvé dans le gobelet. Resserre-moi, je vais serrer. Ma tête est tourne, prends-moi la main. Ce soir, c'est le daron. Ma tête est tourne, mais j'allume un joint. J'ai de la salva que je pour m'allumer. Fais-moi des papouilles, apprécie l'humain. Et comme je bafouille, je dis la la la la. Je suis le bouc du moment, je suis NASA du Banks. Mais je m'en bats les reins, pas de cinéma. Que des bons moments et on s'en ira. En Panamera, semi-boîte auto, je conduis sans les mains et on s'en ira. Ne dérange pas, je suis sous vodka. Je suis râlé, je suis sous vodka. Mon bébé, je suis sous vodka. Et l'équipe est sous vodka. Ne m'en veux pas, je suis bourré. Elle ne fera pas de manière. Ne dis pas aux gens, je t'ai vu hier. Que des verres de sky, pas de bière. Mais je m'en bats les reins, pas de cinéma. Que des bons moments et on s'en ira. En Panamera, semi-boîte auto, je conduis sans les mains et on s'en ira. Ne dérange pas, je suis sous vodka. Je suis râlé, je suis sous vodka. Mon bébé, je suis sous vodka. Et l'équipe est sous vodka. Ne m'en veux pas, je suis bourré. M'en veux pas, je suis bourré. Ne m'en veux pas, je suis bourré. M'en veux pas, je suis bourré. Ah, je bois de l'eau, j'ai trop bu de Pâques. Je rentre à la maison, ça va m'alléger. Pas le temps, la fois que je taille, je fais mon dernier pas, j'ai des remontées. Je bois de l'eau, j'ai trop bu de pâte, je rentre à la maison, ça va m'alléger. Là je tube, je suis trop têtu, je n'ai pas répu, je suis ménagé. Ne dérange pas.